appelle-moi Bill. Ce soir, le Lilith Club est en feu. Mon club. Des cascades de faisceaux laser déferlent sur les murs. Les hologrammes brillent du plafond. Rouge sang, pourpre, azur. Les formes projetées sont suggestives. Rondes, contrastantes, finement calculées pour accélérer le pouls. Attisées, excitées, hypnotisées. Les rotateurs vrillent dans un chef-d'œuvre de programmation psychotronique. Ils envoient des splashes argentés et l'écume de mercure roule sur les plages d'Onyx du Lilith Club. La lumière inonde les danseuses professionnelles, hissées 30 pieds au-dessus du parterre dans des cages à gogo, comme des oiseaux. Elles vibrent dans une transe érotique sur un high de V. Portées par la perfection chimique, elles oscillent langoureusement. Pieds nus, cuisses musclées, peau tendue, mèches collantes et emmêlées. Leurs tressaillements se fondent dans la musique. Sous elles, des milliers de jeunes se perdent, se trouvent, s'abandonnent. Le beat les transperce tous, tire leurs ficelles de pantin. C'est le rythme saccadé, numérisé, codé soigneusement par de quelconques schizos d'Europe de l'Est. Probablement à l'aide d'implants cybernétiques acquis sur le marché noir. La musique est crachée à travers les enceintes magnétiques, tend les nerfs, dilate les pupilles, fait grincer leurs os et la sueur. Celle qui luit sur leur front, perle sur leur peau. C'est leur capitulation, leur reddition à mon pouvoir. Dans la symphonie synthétique, mon règne est absolu. Et je contemple la scène du lounge VIP au 4e étage. Mon promontoire, mon trône. Derrière le cordon de sécurité, mes attachés, ma suite royale, et tout le monde sait qui je suis. On peut pas se tromper. C'est ma mâchoire carrée, ma complexion parfaite, mon complet Strauss, ma chemise de Milan, mes yeux perçants, bleus, depuis les laboratoires de Macao. Je serai toujours jeune. La technologie fait des merveilles. Mon scotch est vide, mais j'ai pas 3 secondes à perdre pour le signaler au barman. Je surveille ma cour, mon club, mon réservoir. Sans cligner des yeux, je passe d'une fille à l'autre, file par-dessus toutes les LED, celles qui sont trop petites, trop maigres, trop grosses. Il y en a toujours de celles-là, peu importe ce que je dis au portier. Puis là et là, une candidate. Je l'observe, l'analyse. Suffit de quelques secondes et je la connais. Elle est rieuse ou elle est sérieuse. Elle danse comme un canard ou comme une déesse. D'un coup, je comprends qui elle est, comment elle pense. Dans la lumière psychotronique, je la déshabille, la lèche des yeux, je devine son ventre, ses seins. Je la baise de toutes les façons possibles. Et je la jette. Pas d'intérêt, rien de spécial, à la suivante. Elle et elle. Puis je commence à soupirer. Et à me demander si c'est pas finalement le temps d'appeler le barman. Quand j'aperçois, du coin de mon champ de vision, une scène bizarre en train de se dérouler au 2e étage. Il y a 7 filles, 7 créatures, étranges, intéressantes, fascinantes même. Une peau de lait. Dévoilée subrepticement par cette délicate robe de soirée. Et blanche, je veux dire blanche comme une voile de bateau, blanche comme les sables de la Méditerranée. Mais ses lèvres, ses paupières sont noires, comme du charbon, et ses cheveux courts sont teints d'un bleu de minuit. les mèches maintenues avec des épingles, quelques boucles indigo s'échappant pour retomber sur ses tempes. Une beauté troublante. D'accord. Mais c'est la scène qui me fait frissonner. Parce que ce type, cette larve mal rasée, ce petit con assis là, à côté d'elle, dans un costard à 10 crédits. Et ils sont en train de parler. Ou du moins, c'est elle qui parle parce que lui, il pleure comme un nouveau-né. La face toute tordue et boursouflée. Il bave, il renifle, il morve. Ça ressemble à une scène de couple. Mais voilà, il n'y a absolument aucune émotion sur le visage de la belle. Elle a simplement l'air de s'emmerder vaguement. Et lui est en train de faire une syncope. Le contraste est tout à fait saisissant. Quand le mec s'effondre finalement le visage entre les mains, je le remercie de m'épargner sa bouille. Voilà que la fille se lève le plus naturellement du monde et s'en va. Elle l'a planté là. Mais il y a quelque chose de fracassant dans son honnêteté, sa franchise. Oui, elle est froide, glaciale comme sa chevelure. Mais elle fait comme elle veut. Elle ose être elle-même, librement, systématiquement belle et cruelle. Elle pourrait être comme moi. Je peux pas m'empêcher de la regarder quand elle se lève. De lorgner la coupe vertigineuse de sa robe qui descend jusqu'au bas de son dos, révélant l'absence d'un soutien-gorge. Et c'est à ce moment que je remarque le tatouage sur sa nuque. On dirait une plume, quelque chose d'allongé, de noir, de pointu. Ou alors une lame, une pointe de lance. Et quel genre de personne se fait tatouer une pointe de lance dans le cou? Pourquoi? J'en suis à spéculer intensément, surpris moi-même et on ne peut plus enchanté par la tournure des événements, lorsqu'un de mes gardes du corps ose m'interrompre. « Monsieur Saint-Onge! » gueule-t-il à travers la musique. Il est nouveau, mais c'est pas une excuse pour être aussi stupide. « Appelle-moi Bill! » je lance avec un beau sourire. « Sourire! » C'est facile. On tire des muscles faciaux. On fait semblant. Les études prouvent qu'un soupçon de familiarité peut hausser la productivité des subordonnés. C'est pas mon plus beau sourire, mais cet imbécile mérite pas la totale. Le garde du corps pointe l'entrée du lounge. Une volée de greluches en manteau de fourrure attendent en ligne. Toutes de maquillage aérosol, crève de muscles, antibiotiques et talons hauts. Le divertissement de la soirée. Haute classe. Une douzaine. Les hologrammes du catalogue sont souvent trompeurs. J'en commande toujours plus pour être sûr. Je détourne le regard vers le deuxième étage. Aucun signe de la femme mystère. Rien que cette larve qui, je pourrais jurer, est à deux doigts de se chier dessus. Je hausse les épaules. Tant pis, les biométriques auront balayé ma perle rare. Je mettrai un agent sur son cas demain matin. En attendant, je fais signe au garde du corps. Il laisse entrer le bétail. La soirée est encore jeune. S'il y en a une de vraiment belle, je prendrai celle-là. Sinon, je me contenterai d'un paquet d'ordinaire. Temps pour un scotch. J'ai toujours su qu'acheter une boîte de nuit serait amusant.